bite est dure et la pommette dure. Maintenant t'es sûr que la coque est pure. Les balles sortent et devinent ton futur. AK-47 on est mûr. Recherché comme des nids d'hirondelles. Sur le lit je suis devant ta rondelle. Referme tes cuisses et ça couvre toi. J'ai juste à dire sésame couvre toi. T'as l'air étonné comme à l'ému. Rien, ça finit comme dans un drame s'explique. Rien, j't'ai vu, j'prends mon arme d'un coup d'œil. J'te tue, j'me tatoue une lame sous l'œil. T'as ça, boum. J'débarque et rien que ça zoom. Turban calage et doudoum. Parano comme un pastoum. Y'a que des salopes, j'ai une vue d'ensemble. Mouille dans leur string toute la nuit en trempe. Tu veux cacher ce que j'ai cru en France. On n'a pas élevé et cru ensemble. Continue, continue de chasser. Ouvrir ton trou pas les passer. C'est chelou comme de la cam basée. Comme une salope qui veut se caser. J'ai le rallye, c'est le phrasé. J'fais du rallye, j'vais t'écraser. Mohamed Ali et John Frasé. Double rotor, on m'a blasé. Pendu et jeté comme des épaves. Négro en taco devant ED. Au départ on était leurs esclaves. Maintenant on assure leur sécurité. Que ceux qui ne suivent pas restent dans leur poids. Sans le bout saturé à l'heure de pointe. Évite de trop tirer sur mon joint. Tu peux te faire mêler comme un cœur point. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Me parle pas d'amour, c'est du bidon. Je préfère me faire piquer par un scorpion. Que par six de putain de cupidon. La putain me détend, je pense à l'avenir. T'es en train de les prendre, tu sens ça va venir. Vision nocturne, phare directionnel. Je suis dans la cuisine au four traditionnel. Je suis dans le poli, je fais des poulets. Vent, grêle, puis j'y poulet. Toujours hardcore, même après des saoulés. Je trace dans le gâteau fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme juste ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne sonne plus. C'était de Gang, la chaleur du Big Bang. Cocaïne et crack dans le traîneau. J'suis dans le V12, frérot. Wesh, bien ou quoi? Wesh, bien ou quoi? Bien ou quoi? Que c'est? Thérapie. K, double, rotor. Double fuck. Je veux bouffer une chatte qui sent bon. Mille et dix mouettes et sandons. Ramène-moi des menaces de chicha, vis à j'en veux quatre comme mes charbons. Mon gusta sur l'île de Timor. Je regarde à tribord à bâbord. Prends mon bord, sale bâtard, sinon trace, tu vas faire venir les bords. Je vais les prendre à quatre, deux pas sur la place du marché un dimanche matin. Pétrosien et Philippe Lain, espèce vide, recherche contre plein. Bête fauve, ils ne savent même pas où me placer dans la classification. Sortez mes négros de prison, bien c'est la radicalisation. Houdini en méditation, Cuny en lévitation. C'est l'argent facile ou c'est l'asile, c'est mort pour mon éducation. T'es trop bonne et t'es trop conne, donc je peux te faire des feintes. Je te jure que si je te prends en levrette, tu ne tomberas pas enceinte. Beaucoup de petits comme toi ont voulu tester l'ours du 2-7. Résultat des courses, plein de petits squelettes. Petit trou du cul, tu crois que tu vas percer parce que t'as sucé ton père. Tu ferais mieux d'aller demander des conseils à Hugh Hefner. Je suis sur le trône, je pèse avec mon clone. Je mange un T-bone de la taille de ton Fiat. Je frappe comme un drone au-dessus de l'Irak. Je construis mon édifice. T'as déjà vu un OGPIS. Pour moi, tu n'es rien de plus qu'un assortiment d'orifice. Qui t'a dit qu'on est zen? Hein? Qui t'a dit qu'on est zen? Dès que j'arrive, on est zen. Tu me garais dans les gènes. Désert, vegan, balle, chemisé, ajouté au panier. Je vais fermer des gueules, je vais pas m'amuser, je vais te rajouter dans le charnier. Tu te pisses dessus dès que tu nous vois en concert. On vous tire dessus comme sur des boîtes de concert. Si je suis pas le dernier à rester debout sur le ring. Que le rap français me pende avec son stream. K, double, rotor. Deux, sept. Bien ou quoi?